Les chômeurs, c'est tous des fainéants. Ils ne travaillent pas, ils n'ont pas d'emploi. Les chômeurs, c'est tous des fainéants. Ils ne travaillent pas, ils n'ont pas d'emploi. Les chômeurs, c'est tous des fainéants. Ils ne travaillent pas, ils n'ont pas d'emploi. Les chômeurs, c'est tous des fainéants. Ils ne travaillent pas. Grosse sanction et aller jusqu'à l'extermination. Le chômage, c'est le cancer de l'économie. Il faut l'annihiler, il faut le supprimer. Je ne trouve pas normal de gagner de l'argent à ne rien faire. Je vous l'ai dit, le chômage, c'est un cancer. Les chômeurs.